Maintenant, nous accueillons Didier qui va nous parler de la pédagogie des réseaux. Je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Je suis content qu'il y ait beaucoup de monde avec la pluie. Avec ou sans la pluie. Mais ce dont j'aimerais parler, c'est aussi une transition. Parce que c'est pas pour faire le lien, mais ouais, j'étais maraîcher, maintenant je suis à la retraite, maraîcher en bio depuis 40 ans. Légumes et plantes médicinales. Et je me suis occupé aussi pas mal de médecine douce, médecine alternative. Mais je suis pas là pour ça. Ce dont je voudrais parler, c'est dans la discussion de tout à l'heure, on parlait aussi de, enfin je ne me rappelle pas les termes exacts, hein, mais de changer de mentalité, surtout la mentalité du consommateur. Parce que je crois que c'est Einstein qui a dit, on ne peut pas résoudre un problème avec la même mentalité qu'il a créée. Donc il faudrait changer de mentalité, même comme j'ai souvent entendu à Nuit Debout, on parle de changer de paradigme. C'est un grand mot, mais voilà, c'est de ça que je voudrais parler. Parce que justement, ça fait même plus de 40 ans que j'essaye d'expliquer qu'est-ce que c'est l'agriculture biologique. Et ben, si jamais ça vous intéresse aussi, on parlait d'AMAP, il y a une AMAP des étudiants, la maison des initiatives étudiantes à la Bastille, qui sont très sympas, qui font plein de choses intéressantes. Donc j'ai discuté un peu parce que j'étais à la MI pour parler des réseaux d'échange réciproque de savoir, des systèmes d'échange local. Qui c'est qui connaît ce genre de réseau? Non, les CEL, ça vous dit rien? Système d'échange local, réseau d'échange réciproque de savoir, les accorderies. Il y a des tas de réseaux comme ça d'échanges, de tous les échanges possibles, de savoirs, de connaissances, de services, de produits qui fonctionnent sans argent. Mais pour revenir à la MAP à la Bastille, moi j'avais été pour en parler, et j'ai rencontré l'agriculteur qui venait porter ses légumes. Et entre autres qui travaillait sur l'exploitation avec sa femme et ses parents, bénévoles bien sûr, qui travaillaient gratuitement. Et je lui ai demandé, mais si demain tu es malade une semaine, qu'est-ce qui se passe? Il a eu un peu sursaut comme ça et il a dit, ben, je ne serai pas malade. Et c'est des choses, quand on est consommateur, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire que de produire des légumes toute l'année. Parce qu'ils poussent toute l'année. On ne peut pas, comme à l'usine, dire voilà, maintenant on met en marche, ça pousse, puis après on a envie d'aller en vacances, on ferme et ça va. Et comme ça, il y a des tas de contraintes. Et j'aimerais au moins de vous donner quelques pistes, quelques indications pour faire ce fameux changement de paradigme, pour arriver à comprendre, mais comprendre pas dans le sens où on l'entend habituellement, justement, c'est dans un sens différent, c'est-à-dire pas avec la logique binaire que l'on connaît, que tout le monde connaît, qu'on apprend à l'école, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, c'est-à-dire qu'on est massacré à l'école, même si on a une manière de penser différente, surtout si on a une pensée différente, une pensée divergente, comme on dit maintenant. Il y a une autre manière de comprendre les choses. Par exemple, dans tout ce qui est la pédagogie agriculture, et dans les réseaux, justement, c'est pareil, c'est une pédagogie orale. C'est-à-dire, on n'écrit pas les choses. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé, j'ai été travailler chez un agriculteur bio. Il m'a dit, ben, regarde comment je fais, puis tu fais pareil. Toi. Il n'y avait pas de bouquin, il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas de CD-ROM. Et j'ai appris comme ça. Et parce qu'il y a une manière d'apprendre avec ce qu'on appelle la sensibilité. Et la sensibilité aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très, non seulement négligé, mais complètement massacré. C'est-à-dire que si vous vivez normalement, vous prenez les transports, vous avez un travail, vous regardez la télévision, les journaux. Quand est-ce que vous sentez quelque chose qui remue en vous? C'est une question. Ça vous arrive? Maintenant, le terme, disons, qui pour moi serait exact pour l'éducation de la sensibilité, ce serait l'éducation à la sexualité. Mais aujourd'hui, la sexualité, c'est un gros mot. Il ne faut pas dire. Maintenant, on parle d'intelligence émotionnelle. Vous en avez tous entendu parler, je pense. Non, vous n'avez rien entendu. Ça va être dur. Mais quand même un peu. Daniel Goleman, ça ne vous dit rien. Bon, c'est naturellement un Anglais ou un Américain qui a vulgarisé les dernières connaissances d'un certain genre de scientifiques, parce que là aussi, c'est des choses dont on n'entendra jamais parler à l'école ou à la télévision. C'est-à-dire c'est la manière d'être du vivant et notre possibilité dans notre organisme, les possibilités qu'on a de comprendre quelque chose, c'est pas que dans le cerveau, c'est dans tout le corps. Parce que toutes nos cellules sont intelligentes. Et toutes nos cellules sont capables de comprendre si on ne les empêche pas de comprendre. C'est-à-dire qu'à l'école, c'est chaque fois qu'il y a une cellule qui est alternative qui essaie de comprendre quelque chose, il y a le prof ou la maîtresse, ta imbécile, c'est pas écrit dans le livre comme ça. Et bien dans les réseaux d'échanges réciproques de savoir, c'est-à-dire là où on fait des échanges, c'est simplement un groupe sur un territoire, ça peut être un quartier, un village, un arrondissement, où des personnes se rencontrent. Une personne peut enseigner la couture, par exemple, à une autre qui enseigne à une autre personne de l'informatique, qui enseigne à un enfant les mathématiques, et l'enfant enseigne à son professeur le skateboard, etc. Et tout fonctionne comme ça et gratuitement. Ce sont des échanges où il n'y a pas de monnaie, c'est le savoir la monnaie. C'est simplement ce qui est important au niveau de la sensibilité de comprendre, c'est qu'il faut donner et recevoir. C'est-à-dire qu'il y a une réciprocité. Et dans la société actuelle, avec l'argent, il n'y a plus de réciprocité. Et s'il n'y a pas de réciprocité entre êtres humains, il ne peut pas y avoir de confiance. C'est ça la manière d'apprendre dans les réseaux. Et là, ce que moi j'appelle la pédagogie des réseaux. Enfin, c'est pas que moi, je veux dire. Ça fait au moins 40 ans que ça existe, les réseaux d'échange de savoir. Moi j'y suis depuis 15 ans à peu près. J'ai fait partie de 4 projets européens d'échange avec des réseaux d'échange de savoir dans d'autres pays, comme l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, etc. Même la Belgique. Sauf l'Angleterre. Là, l'Angleterre, il ne veut rien savoir. Et c'est quelque chose qui marche très bien et surtout qui s'adapte complètement au groupe, hein, au groupe et au territoire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir quelqu'un qui arrive et dire « moi, je vais vous enseigner quelque chose ». C'est des gens qui se connaissent, qui se fréquentent tous les jours. Les enfants vont à l'école, les parents vont voir les matchs de foot, etc. C'est rien de spécial. Mais on apprend différemment. Et c'est le même principe dans ce qui existe, ce qu'on appelle les systèmes d'échange local. C'est-à-dire c'est des échanges de services ou de produits avec une monnaie fictive. Si ça vous intéresse vraiment, à Montreuil, ça marche très bien. C'est la pêche, qu'on appelle ça. Moi, j'ai appris en Franche-Comté, c'était la goutte de lait. À Paris, un sel qui échange en piaf, c'est-à-dire c'est une monnaie fictive qui n'existe pas, Mais il y a une... tous ceux qui s'inscrivent dans le groupe font des offres et des demandes. Ça peut être de servir, de réparer la voiture. C'est pas comme les échanges de savoir où il n'y a que des savoirs. Là, on peut vraiment faire un, rendre un service ou vendre quelque chose dans cette monnaie. C'est-à-dire chacun offre et demande quelque chose. Et ça peut être une armoire, une table, de réparer la, voiture, la machine à laver, de décorer la maison, pour les, parce que les artistes aussi ont un pouvoir, comment dire, pouvoir d'achat. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien aussi depuis, au moins 30 ans, que je sache. Et il y a des, ce qu'on appelle aussi des blés, c'est-à-dire des bourses locales d'échange, c'est-à-dire des endroits où les gens peuvent venir apporter ce qu'ils ont à vendre. Ça peut être aussi des, bijoux, des meubles, des CD, des livres, des plantes, des graines, etc. Et là, il y a encore, à mon avis, une dimension supplémentaire, c'est-à-dire que là, chacun est libre de fixer le prix. C'est-à-dire, je peux vendre un livre, par exemple. Par exemple, moi, j'étais au CEL de Paris, c'est... Voilà, moi, j'en veux 10 piafs. La personne me dit, non, c'est trop, je regrette, moi, je t'en donne 5. Bon, on négocie. On apprend à négocier son propre désir, son échange. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que ce livre, j'en ai vraiment besoin? Parce que même si c'est une monnaie fictive, c'est pas un pouvoir d'achat. Parce que pour avoir de la monnaie, il faut que je donne quelque chose. Donc aussi réfléchir, mais moi, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je peux donner aux autres? Et ça, justement, sur un territoire, c'est important. Et un autre exemple, dans un réseau d'échange de savoir, par exemple, il y a beaucoup de gens de toutes origines, parce que c'est dans tout le quartier. Et une fois, une vieille dame qui est arrivée, qui immigrée, qui avait élevé cet enfant, et qui arrivait là, dire « Moi, je voudrais bien participer, mais je ne sais rien faire. Je ne sais rien, je ne connais rien. » Et bah, quand même, en ayant élevé cet enfant, qui sont bien, qui sont grands, qui travaillent, etc., quelque savoir, vous devez savoir. Et là aussi, il y a la sensibilité, c'est-à-dire c'est pas simplement de faire la liste. Et voilà, pour élever un enfant, il faut déjà le faire naître, il faut l'habiller, il faut lui donner à manger. C'est pas ça, c'est pas que ça. Comment cette personne-là a fait dans sa famille avec ses enfants? C'est ça qui est important. Et c'est ça qui permet un vrai échange. C'est clair ce que je dis? Parce que, bon, je voudrais passer à la vitesse supérieure pour ceux que ça intéresse. Parce que moi, j'aime bien m'amuser. C'est, comme je disais aussi, il y a des tas de scientifiques qui se sont aperçus de ces choses-là. Parce qu'ils ne sont pas tous cons, les scientifiques, il faut dire. Beaucoup, mais pas tous. Il y a, mais en particulier, tous ceux qui s'intéressent à la biologie, c'est-à-dire aux sciences du vivant. Et est-ce que quelqu'un a entendu parler de Gregory Bateson? Non. Bon, il n'y a pas de chance. Donc c'est un exemple, le pionnier, on va dire, de ce genre de science, qui, je résume, c'est vraiment le minimum, qui dit que le réel n'existe pas. Le réel, c'est une construction collective. C'est parce que nous, on appelle le réel, il est dans notre tête. Et sinon, on croit que quelque chose existe, il existe. Si on ne croit pas, il n'existe pas. Et en plus, le fait que nous percevons des choses, nous croyons que nous percevons le réel. Mais en fait, nous percevons simplement les différences entre les choses. C'est-à-dire, si je crois que je vois quelqu'un, mais je vois des couleurs. Je vois quelque chose de noir par là. et après, ils ont déduit que c'est quelqu'un. Mais ils pourront déduire autre chose. Donc à partir de là, toutes nos perceptions peuvent changer. Et au lieu d'être simplement des perceptions analysées, mais je dirais surtout le problème, c'est que c'est pré-analysé dans notre tête. On est plein de schémas mentaux où on cherche vraiment ce qu'on va percevoir. On ne perçoit que ce qu'on veut percevoir. C'est-à-dire, si on rencontre quelqu'un et qu'il a une tête qui ne nous plaît pas, c'est un imbécile. Ça vient automatiquement. C'est pas parce qu'on est méchant, moi aussi ça m'arrive. Même quand je me regarde dans la glace, c'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir que c'est une pré-construction et que si je veux, je peux la changer. Mais je ne peux pas la changer avec ma tête. Hein, parce que c'est ma tête qui me dit, c'est un imbécile. Mais je peux essayer de sentir dans mon corps quelque part qui va me dire, mais c'est quel genre d'imbécile? Et peut-être que je vais comprendre quelque chose, que je vais ressentir quelque chose, et que je vais avoir envie de parler avec cette personne pour dire, c'est des choses que moi je fais, et comme me reproche des fois, mais pas toujours, mais qui fait bien rigoler, mais moi je le dis. Si je rencontre quelqu'un, je peux lui dire, dis-moi un peu quel genre de messie tu es, parce que ça m'intéresse vraiment. Et pour moi, c'est pas une insulte, hein, parce que je sais que c'est une étiquette. C'est une étiquette que mon cerveau il met sur toutes les choses. Et surtout sur les personnes. Parce que ça, il faudrait revenir à l'agriculture biologique, mais en fait, les choses n'existent pas. Tout ce qui existe, c'est vivant. C'est-à-dire ça, pour nous, c'est mort, parce que c'est stable, mais c'est stable à notre échelle de 80 ans ou 100 ans d'une vie humaine. Mais en fait, si on considère cette place, le revêtement de la place avec les arbres, le ciel, l'univers, les planètes, que tout bouge tout le temps. Maintenant, c'est comme ça. Et je crois que ça va être, je suis sûr, je crois dans ma tête que ça va être toujours comme ça. Mais rien n'est dit que dans une seconde, ça va être complètement changé. Il y a une comète qui va passer et qui va tout bousculer. Qui va faire accélérer une planète, qui va faire ralentir la Terre, qui va tourner moins vite. Et en ce moment, par exemple, si vous êtes bon en informatique, vous êtes capable de trouver des informations sur Internet, parce que moi, je ne suis pas trop capable. Quand je dis que je suis un imbécile, c'est pas forcément tout faux. J'ai vu qu'il y a une semaine, hein, le Soleil actuellement a deux pôles nord. C'est-à-dire qu'il y a une inversion qui se produit normalement, régulièrement. C'est-à-dire que le nord passe au sud, le sud passe au nord. Mais en ce moment, le sud est passé au nord, mais le nord est resté au nord. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça change? Ça change parce que le soleil, pour nous, c'est fondamental. Mais notre cerveau, il ne va pas changer. Mais notre corps, lui, il le sent. Et comme ça, il y a des tas de gens, des scientifiques, mais pas que. Est-ce que Edgar Morin, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah, quand même. Merci. Voilà, c'est disons le plus grand divulgateur de ce genre de science. Mais si vous occupez des enfants, je pense que vous connaissez Piaget, par exemple. Piaget, c'est aussi un des pionniers de ce qu'on appelle le constructivisme. C'est-à-dire que déjà l'enfant, dès la naissance, il construit pas quelque chose, il construit soi-même. Il se construit lui-même. C'est moi, en tant qu'être humain, qu'est-ce que je suis? Donc c'est fondamental de faire des expériences. Mais en fait, ça commence à la naissance. Mais en réalité, on grandit toute sa vie. Tant qu'on est vivant. Peut-être même après, mais ça c'est un autre problème. C'est qu'en fait, chaque journée qui passe, on a plein de perceptions, on a plein de sensations. Le problème, c'est que avec les journaux, les revues, la télévision, on nous donne des informations toutes faites. Mais on pourrait dire, j'ai une perception, j'ai des sensations. Quelle information ça me donne à moi, maintenant? indépendamment de mon sexe, de mon âge, de mes études, forcément ça me dit quelque chose. Et à partir du moment où si... il y a des informations plus pesantes, plus lourdes que d'autres. Oui, mais si, même les policiers ont une intelligence émotionnelle. Si, non, je vous assure. Non, c'est peut-être aussi une étiquette, mais c'est que moi j'ai un problème aussi congénital, c'est que mon père était gendarme. Alors, déjà d'être devenu agriculteur, ça n'a pas été simple. Mais en plus de parler de scientifique quand j'ai un CAP de magasinier, c'est pas évident. Normalement, c'est pas dans les règles. Oui. D'accord. Merci de m'arrêter parce que sinon, ma deuxième semaine, je suis encore là. C'est. Maintenant, c'est plus ce que je veux dire. Ah oui, non, je parlais des gendarmes, voilà. Le pauvre. Le problème des règles. C'est-à-dire, il y a des règles que tous on connaît, c'est-à-dire qu'on acquiert en grandissant, qu'il faut bien se tenir, il faut pas se salir, il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut dire bonjour à la dame, etc., etc. Après, il y a ce qu'on appelle les codes. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, quand on rencontre quelqu'un, quand un jeune garçon rencontre une jeune fille, il fait la bise. Ça, c'est un code, c'est pas une loi, c'est pas une règle. Puis si c'est à Montpellier, par exemple, où j'ai habité, c'est 3 bisous. Si à Paris, c'est 2. Dans non, je ne me rappelle plus. 4? 2. Ah, d'accord. Mais après, il y a encore les règles pour faire les règles. Et de ça, personne ne nous en parle. Mais comment on fait pour comprendre quelles sont les règles qui nous permettent de faire des règles? Ah non, non, ça ne sert à rien à voir. Ça, c'est des fantasmes, c'est pas des règles. C'est-à-dire que c'est une chose... comment dire, il me semble... Une espèce de, je pense que j'ai mal compris en assistant à pas mal de discussions ici à Nuit Debout, où on veut changer la politique, par exemple, pour refaire des règles, refaire des choses. Bon, la politique, ni droite ni gauche, ça marche pas, etc. Mais nous, on va faire un système qui marche. À partir du moment où on est dans un système, ça ne peut pas marcher. Ce qui peut marcher, c'est que quand on rencontre quelqu'un, une personne, une autre personne, toute la journée, on essaye vraiment de sentir qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi je la rencontre maintenant et pas hier et pas demain, qu'est-ce qu'elle m'apporte, qu'est-ce que je peux éventuellement lui apporter. Et à partir de là, je ressens qu'il y a des règles qui vont me permettre de faire mes règles à moi, mes règles sociales. Mais ces règles du ressenti, c'est les miennes, c'est que les miennes, ça ne peut pas être de quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Alors si je vais m'arrêter là, je voulais poser des questions, mais simplement pour ne pas oublier, je vais vous donner simplement les noms, comme je parlais de Piaget, de Edgar Morin, Gregory Bateson, enfin il y en a plein. Louis Pascal, par exemple, c'est un mathématicien qui a démontré qu'il n'y a pas de logique binaire. Il n'y a pas vrai, faux, bien, mal, etc. Il y en a 3. Toujours. Et bon. Louis Pascal. Ouais, pas maintenant. Je vous fais des cours particuliers si vous voulez. Mais si, on est moins libre. Non, sinon j'ai oublié. Maintenant, ça y est, j'ai oublié le troisième. Ça fait rien. Est-ce que vous avez d'autres questions à part celle-là? Alors, moi, en fait, c'est juste, après le débat et tout, j'aime beaucoup ta manière de penser. Du coup, j'aimerais bien te faire un câlin après, si c'est possible. Si c'est possible, J'aimerais beaucoup parce que j'aime beaucoup ta manière de penser et tout, et j'ai trouvé ça très cool. Bah juste un câlin quoi, c'est tout, c'est tout, voilà. Moi, c'était... D'autres questions ou propositions? Je vais commencer par une question, j'en ai une autre, mais par rapport à la dame qui est arrivée dans le réseau d'échange de savoir et qui disait « moi je sais rien faire, j'ai rien à apporter », et donc j'étais curieuse de savoir comment ça s'est passé pour elle, parce que j'ai l'impression de ce que je connais, ce que je comprends, c'est le réseau il fonctionne quand même avec des rendez-vous, c'est-à-dire qu'on se dit bah, « moi j'aimerais être, enfin moi je suis capable de transmettre ça ». Ah ben moi j'ai envie d'apprendre ça, ben viens on se voit à telle heure, tel jour et on parle de ça, on échange là-dessus. Et voilà, du coup j'étais juste curieuse de savoir comment est-ce que ça s'était passé pour elle en fait, comment elle avait ciblé, qu'est-ce qu'elle pouvait transmettre et comment elle l'avait, voilà. Pour tout de suite, j'ai oublié. Le début, c'est particulier, mais ce qui est important de savoir, c'est de chaque réseau, c'est complètement différent. Mais avec cette personne-là, c'est simplement de discuter, de parler, et de la faire parler de sa famille pendant un moment, un quart d'heure, 20 minutes. Puis après, dire, mais, tu vois, en discutant de toi, de ta famille, tu as dit ça, mais alors tu sais faire ça. Et puis tu sais faire ça. Et puis tu sais faire ça. D'ailleurs, tu sais lire, tu sais écrire, tu sais accompagner les enfants, tu sais laver les enfants, tu sais les faire jouer avec les enfants de la voisine, des tas de choses comme ça, pour commencer, simplement discuter, sans essayer tout de suite de dire remplir un formulaire. Parce que, bon, après, il y a des réseaux, il y a le formulaire offre, demande, officiel, etc. Mais c'est pas obligé. Oui, je voudrais revenir au thème que tu as proposé, qui est la pédagogie des réseaux, et revenir à l'exemple qui est très simple d'apparence et que tout le monde comprend par rapport à cette femme, ce que disait aussi la jeune fille devant. Et beaucoup de personnes, notamment des femmes qui restent au foyer, pensent qu'elles ne savent rien. Et la mise à jour, alors j'ai utilisé un mot bizarre, mais de l'excellence, car élever 7 enfants, c'est pas de la tarte, hein, agit sur quelque chose qu'on appelle l'estime de soi. Donc, pédagogie des réseaux, est-ce que tu peux nous parler de ce que qu'apporte dans 2-3 réseaux, hein, on va pas faire le... Bon, mais concrètement, pour chaque personne, qu'est-ce que ça apporte par rapport à la découverte de soi? Est-ce que c'est clair? Je vois que, enfin, il me semble comprendre ou ressentir que tu es une experte de pédagogie. Et pas moi. Alors, c'est. Enfin, je ne vais pas répondre à ta question. Parce que c'est sûr qu'il y a des choses qui se passent, comme quelqu'un qui, au bout de quelques mois dans un réseau, il a une meilleure estime de soi, il a une meilleure capacité d'expression. Il a une meilleure capacité d'entrer en relation avec les autres, etc., etc., etc. Bon, il y a la fondatrice des réseaux, qui est une enseignante, qui s'appelle Claire Hébert Suffren, qui a écrit 4 ou 5 bouquins là-dessus, et aussi sur les différents échanges inter-réseaux avec d'autres pays, etc. Il y a une montagne de documentation. Il y a le centre national qui est à Évry, rue Blaise Pascal à Évry, je ne me rappelle pas le numéro, mais si ça vous intéresse, il y a beaucoup justement de travailleurs sociaux ou d'enseignants qui ont fait des thèses ou des mémoires sur les échanges, comment c'était dans le réseau, comment ça s'est passé, etc. Et là on peut voir vraiment toute la diversité qu'il peut y avoir. Mais moi aujourd'hui j'aimerais éviter les étiquettes, que l'estime de soi pour toi, ça veut dire quelque chose. Pour moi, autre chose. Pour chaque personne ici, ça veut dire quelque chose de différent. Pour moi, par exemple, pendant un certain temps, emmerder les gendarmes, ça faisait partie de l'estime de moi. qui m'a passé. Tu parlais des étiquettes et des constructions que la société nous a mises dans la tête, l'école, l'éducation. Et tu parlais aussi de sensibilité émotionnelle. Et comment apprendre à désapprendre et développer cette sensibilité émotionnelle ? Merci. Non, c'est pas pour dire qu'elle est une mauvaise question, mais parce que ça m'oblige à me rappeler de quelque chose que très important que je n'aurais pas dit. Mais ça, c'est mon expérience personnelle. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai essayé de réfléchir dans ma manière d'être. Et il m'a semblé comprendre qu'il y a trois étapes. C'est-à-dire qu'à la naissance, justement, avec l'école, avec les parents, la famille, tout le monde nous dit, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça, t'as ci, tu es là. Et on croit qu'on est comme ça. Ça, c'est l'alliance. Alors, il faut passer à la deuxième stade, c'est la déliance. C'est-à-dire sortir de là. Et, c'est-à-dire se confronter à d'autres connaissances, à d'autres alliances. Et là, c'est aussi bien dans la pédagogie des réseaux que dans le Edgar Morin qui en parle beaucoup aussi. Et un autre que j'ai oublié de citer, parce que c'est un nom compliqué, qui s'appelle Alfred Korzybski. C'est un Polonais qui a étudié la sémantique. C'est-à-dire comment le langage qu'on a appris à l'école, enfin dans l'enfance, etc., nous emprisonne et nous empêche d'évoluer. C'est-à-dire, même quand tout à l'heure on parlait de... à propos de la distribution des supermarchés, enfin, des producteurs qui se regroupent et qui font un petit supermarché, on dit oui, mais c'est bien, mais ce serait mieux si c'était un petit peu plus grand. Et puis après, ce serait mieux si c'était un petit peu plus grand. Puis à la fin, on reproduit le supermarché. C'est ce qu'on a dans la tête, on le fait. C'est la reliance. Oui, c'est oublié. Mais là aussi, c'est pas facile d'expliquer en deux mots. Mais ça part de la sensibilité. Et l'auteur qui en parle le mieux, mais même si je ne suis pas trop d'accord, mais c'est Daniel Goleman. Et là aussi, il a écrit des gros bouquins. Mais il y a 20 pages intéressantes, le reste, c'est du remplissage. Mais il y en a un qui est bien, c'est lui qui parle avec le Dalai Lama, justement des émotions. Et Dalai Lama, les bouddhistes, on connaissent beaucoup plus que nous. Là-dessus, mais surtout comme langage, c'est là qu'il faut trouver les mots. C'est-à-dire la déliance, c'est se désintoxiquer d'une certaine manière, c'est-à-dire ne plus croire en rien de ce que les autres nous disent de nous. Tu me dis que je suis comme ça, je dis, bon, ben ça c'est ok, c'est ton image de toi, c'est pas moi. Et n'importe quoi qu'on me dit, non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Et au bout d'un moment, on te dit, mais à la fin, moi, c'est quoi? Alors là, il y a la reliance qui commence. Et c'est là où commence aussi, comme je disais, les règles pour faire les règles. C'est-à-dire, je ressens comment je fonctionne. Et en conséquence, comment je me relie aux autres. Et alors, le premier aspect, c'est mon langage qui change. Je ne suis plus obligé de parler pour dire quelque chose. C'est-à-dire, c'est difficile à expliquer, mais notre corps, il parle tout le temps. Mais pas seulement notre corps, l'énergie qu'il y a autour de nous, ce qu'on projette, ce qu'on a fait avant de venir, ce qu'on a en projet de faire après, c'est là, c'est présent et c'est nous aussi ça. Ça, c'est toujours nous. C'est pas que... une masse de cellules. C'est quelque chose qui est dynamique. Voilà, ça c'est fondamental. Rentrer dans un dynamisme de changement. Des questions ? Bonjour tout le monde. Et vous avez parlé tout de suite d'un auteur de constructivisme, je ne me rappelle plus de son nom. Ah oui, voilà. Est-ce que c'est quelque chose en rapport avec le développement personnel? Oui, c'est vrai qu'à partir de là, il y a beaucoup de techniques de développement personnel qui se réfèrent aux auteurs dont j'ai parlé, mais aussi à d'autres. Mais là aussi, je ne sais pas si Vaclavic, ça vous dit quelque chose. C'est un Américain qui fait des conférences sur le développement personnel. Par exemple, avec des séminaires de 1000 personnes à 1000 euros la personne. Non, Sarkozy, c'est encore pire. Non, ça, c'est l'exploitation commerciale. C'est-à-dire, moi, je vous dis comment changer pour que vous ne changiez pas, parce que si vous changez, vous ne me payerez plus. Si vous voulez faire comme moi, moi, je vais changer, je vais devenir autrement, explique-moi comment il faut faire, première étape. Alors là, c'est foutu, là. C'est pas la peine. Alors, c'est du développement personnel, mais ça, il ne faut pas l'appeler comme ça, parce que c'est tellement exploité commercialement, ça ne veut plus rien dire non plus. Disons, c'est à mon avis, le premier pas pour commencer, c'est de s'émerveiller de tout. Je suis là, je suis vivant, il y a du monde, il y a le ciel, il y a des couleurs, je respire, on respire la même air, et on... Où il est parti je crois que t'étais parti, déjà je commençais à flipper, bah oui. Oh le con. Bon, ça aussi c'est émerveillement, c'est-à-dire, et pas avoir peur de s'émerveiller et d'émerveiller les autres. C'est être... Enfin, c'est toujours des grands mots maintenant, mais dire être sincère, être vivant, être authentique, même si ça peut faire mal. Il y a toujours moyen de se rattraper après. C'est-à-dire, si on ne fait pas du mal pour nuire à quelqu'un, on peut le rattraper. Dire, excuse-moi, j'ai parlé trop vite, c'est pas ça que je voulais dire. Mais c'est important, au moins d'essayer d'être sincère et de dire des choses vraies que l'on ressent vraiment, au moment où on les ressent sans réfléchir. Mais c'est juste un exemple, mais parce que j'ai fait partie aussi des éco-villages, c'est-à-dire que comment habiter en groupe sainement, parce que si chacun veut se construire sa maison écolo dans son coin, on n'y arrivera pas, il faut s'y mettre à plusieurs. Alors j'ai fait éco-village. Et quand je parle des systèmes d'échange local, des éco-villages, enfin au début, quand je parlais des Africains, ils me disent, mais chez nous, on fait ça tout le temps. On n'a pas besoin d'association, on n'a pas besoin de se réunir à un endroit, etc. C'est comme ça. Oui, j'avais une question par rapport à justement cette façon dont, dès qu'on rencontre quelqu'un d'autre, ou même dès qu'on a une expérience au monde, on a déjà un système de représentation qui est en place, qui fait que on... Ah, là je parle, il pleut. Et je voulais vous demander si vous pensez pas que c'est encore intensifié avec l'utilisation de tous les outils techniques ou virtuels. Alors je dis outils techniques parce que ça comprend aussi bien dans le monde médical le scanner pour savoir ce que dit une partie du corps, mais aussi le fait qu'on utilise d'abord le portable ou d'abord qu'on utilise d'abord un outil pour être ensuite en rapport avec le monde ou avec les autres. Et je pense notamment au fonctionnement de Google qui fait qu'on arrive devant des... Enfin, quand on fait des recherches, finalement, toutes les recherches qu'on fait vont conditionner les recherches suivantes qu'on va faire. Donc, est-ce que ça n'intensifie pas, finalement, la restriction des représentations qu'on peut avoir ? Ben, justement, c'est-à-dire à travers l'informatique, soit Google ou un autre, ce sont des fausses représentations. C'est-à-dire elles sont construites par quelqu'un d'autre, pas par moi. Donc, c'est forcément faux. Et à partir du moment où, si je veux construire des choses fausses, j'ai une... Comment dire, je vais développer ma fausseté. Parce que on n'a pas que des qualités, on a aussi des défauts, je veux dire. Et c'est fait... Mais le problème, c'est pas tellement de que ce soit faux, c'est que c'est faux, mais on croit que c'est vrai. C'est ça la difficulté. Et si on arrive à bien séparer les deux, moi aussi j'utilise Google et je vois des tas de trucs. Mais à chaque fois, je me demande pourquoi cette personne, la personne qui a mis ça, ces réflexions, ces images, dans quel but elle l'a fait. Je me fais mon idée, qu'elle soit vraie ou fausse, c'est pas important, mais moi j'essaye d'aller au-delà du, comment dire, de la première perception, de ne pas me laisser emporter tout de suite dans quelque chose que je ne maîtrise pas. C'est clair, non? Il y a un autre auteur qui s'appelle De Kerckhove, qui a écrit pas mal de trucs là-dessus. Pas mal aussi. Éric de Kerckhove. Ouais. Tu parlais des éco-villages. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, comment ça se passe au quotidien? C'est un peu compliqué. C'était il y a longtemps. C'est dans le même état d'esprit des Colibris aujourd'hui, avec Pierre Rabhi qui essaie de faire construire des éco-villages à tout le monde. Et là aussi, c'est une bonne idée en soi. Justement pour éviter tous les problèmes de distribution, enfin de culture, de distribution, de production. Juste pour faire bref, je vais donner un exemple. J'étais à la création du réseau français des éco-villages, c'était au Larzac. Et tout le monde, comme ici, on a créé des commissions de construction, de financement, etc. Puis moi, à la fin, je me suis aperçu de dire, mais il n'y a personne qui fait une commission éducation et formation. Enfin, c'est bizarre. Alors, je m'y suis mis et j'ai essayé de faire une commission avec d'autres gens, surtout des parents qui s'interrogeaient beaucoup. Et une fois, c'était une réunion tous les 3 mois, je crois, à peu près. Et une fois que je n'ai pas pu y aller, il y a quelqu'un qui a supprimé ma commission. Sans me demander, sans me le dire. Probablement ça a gêné, je ne sais pas, mais bon, c'est simplement pour dire que rien n'est parfait. Nuit debout non plus n'est pas parfait. Mais c'est l'éducation, la formation, c'est-à-dire où on touche l'être humain, enfin la sensibilité humaine, on sait qu'on aura des problèmes. Bon, au début, j'ai parlé du mot sexualité, par exemple. Même ici, il n'y a aucune commission sexualité. Pourtant, c'est attraction-répulsion, c'est ce qui régit 80% de notre vie. Alors, on parle de laïcité, de démocratie. Oui, d'accord. Mais enfin, ça, c'est bien pour les discussions du samedi soir et du dimanche quand il n'y a rien à la télé, à mon avis. Mais la sexualité, merde, c'est important. Et ça, on ne parle pas. Et ça fait partie de la sensibilité, de l'éducation artistique. Si je peux vous donner un autre, un dernier, cette fois j'essaie de m'arrêter là, un auteur, s'appelle Rudolf Steiner, qui a créé, en agriculture, ça s'appelle la biodynamie, c'est-à-dire c'est la... comment il parlait le système... dont il parlait tout à l'heure. Permaculture, voilà. C'est la même chose, sauf que la permaculture, ça se vend bien, et pas la biodynamie. Parce que quand vous voyez les produits d'Emeter, c'est fait avec une méthode biodynamique. C'est-à-dire que c'est très compliqué. Et il y a aussi des cliniques, des hôpitaux, des médecins qui soignent. Et moi aussi, c'est la méthode que j'utilise aussi quand j'ai besoin, quelqu'un me demande de soigner. Et il y a aussi des écoles. Et par exemple, la première fois que j'ai été dans une école anthroposophique, j'ai vu les enfants étaient en classe, il y avait une dizaine de garçons et filles, et tous faisaient du tricot, garçons et filles. Et voilà, à l'époque, ça me... Oh putain, ça c'est alternatif. D'autres questions ? C'est peut-être une question un peu plus technique ou, je sais pas, par rapport au réseau et à la pédagogie, justement. En fait, je me demandais, dans les réseaux d'échange de savoir, comment est-ce qu'on peut accompagner, en fait, des gens à enseigner pour la première fois, à découvrir des méthodes pédagogiques, en fait. Parce que, comme effectivement, on apprend beaucoup de choses à l'école par la pédagogie qu'on ne choisit pas, l'apprentissage peut se résumer à ça, en fait. Et du coup, quand on va être amené à enseigner quelque chose, si on n'a pas été accompagné pour découvrir une autre manière de transmettre, on peut retransmettre la même chose. Et voilà. Donc, je me demandais comment est-ce que l'association, la structure, accompagne les gens à se transmettre différemment les choses, à échanger autrement et dans un rapport d'horizontalité, comme vous en parliez tout à l'heure, quoi. C'est le premier pas, c'est toujours ce que je disais tout à l'heure, l'émerveillement. C'est-à-dire de voir comment une personne, parce que moi aussi j'ai des étiquettes dans la tête, comme tout le monde, dire quelqu'un qui est mal habillé, qui est de voûté, dire putain, c'est un SDF, il est dégueulasse. Et puis, des fois, il arrive dans le réseau, il commence à parler, dire. Voilà, moi j'ai vécu ça, j'ai envie d'offrir ça, j'ai beaucoup voyagé, j'ai su me démerder, j'ai eu plein de problèmes, je m'en suis toujours sorti, et je voudrais bien enseigner aux autres comment faire pareil. Et alors là, d'un coup tout le monde, moi. Mais ça peut pas être préparé, ça peut pas être pédagogisé. C'est dans des réunions, on se retrouve, et puis il y a des fois, on dit que des conneries, on se rencontre, on se raconte des histoires, et puis il se passe rien, et puis il y a des fois, c'est formidable, et quelqu'un de nouveau qui arrive, et on ressent plein de choses. C'est-à-dire, on sait qu'on a compris quand on pose plus de questions, quand on ne cherche plus à expliquer, voilà. On pose des questions, mais on n'explique pas. Tu as fait ça, comme ça. Ok. Moi, oui, j'ai envie de faire la même chose, mais moi, je ferai autrement. Ça vient tout seul. Parce qu'on a tous plein de fantaisies, plein d'imagination, plein de rêves qu'on n'écoute jamais, qu'on connaît pas, qu'on ne cultive pas. Et là aussi, dans les écoles Steiner, par exemple, il y a beaucoup d'éducation artistique. Il y a de la peinture, il y a de la sculpture, il y a beaucoup de sorties dans la nature. Il y a une. Enfin, moi, ce que j'essaie de. C'est toujours. C'est difficile de ne pas parler de moi parce que je baigne dedans. Quand quelqu'un me demande, disons, de. Enfin, quelqu'un pense qu'il a un problème. Qui veut évoluer ou guérir, on peut appeler ça comme ça. Pardon. Je fume pas. J'ai jamais fumé. J'ai jamais bu une goutte d'alcool. Faut déjà jamais dire une sacrée tare au départ. Et donc j'emmène la personne dans la forêt à faire une balade hein, et à toucher les arbres, à les caresser avec les mains, les bras, le dos, à se rouler par terre. Ça dépend de la personne, ça dépend des choses, mais on a tous plein de sensibilité qui est là, prête à fleur de peau, qui veut sortir tout le temps, et nous on est tout le temps là, non, faut pas être tort, sinon si je fais ça quand même, qu'est-ce qu'il faut dire les autres? Et la première chose c'est se libérer, voilà, faire n'importe quoi, danser dans la forêt, c'est pas obligé d'être tourné non plus. Ou avec une robe blanche, avec un truc avec des fleurs sur la tête, c'est pas obligé. Une dernière question ? D'autres questions ? Non ? Oui, je rebondis sur ce que vous avez dit. proposer, c'était ce qu'on apporte aux autres. Je me demande si un des problèmes fondamentaux, c'est pas celui de l'utilité. C'est-à-dire qu'il y aurait comme un règne de l'utilité, ce serait quelque chose comme ça, que dans toutes les actions, dans tout ce qu'on fait, il faudrait quand même, que ce soit un peu utile à soi ou à quelqu'un. C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible finalement de juste s'asseoir à un endroit, discuter avec l'autre sans qu'il nous apporte quelque chose, sans juste parce qu'on est là. C'est-à-dire remplacer l'utilité par la présence. Pardon. C'est encore une question de mots. Moi, je dirais, c'est pas mal. Il faut pas chercher l'efficacité. C'est-à-dire, on essaye toujours d'être utile. C'est dans la nature humaine, même si on est ensemble sans rien dire, sans se parler, on se promène, c'est utile. C'est utile, ça nous fait du bien, c'est utile. Mais si on veut être utile efficacement, là, les choses se gâtent. C'est parce que dire, alors maintenant, je dois dire ça, alors maintenant, je dois bouger comme ça. Enfin, c'est pas obligé d'être d'accord, hein. C'est ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est l'efficacité, l'optimisation. Il faut, de tout ce qu'on fait, il faut le faire bien au maximum, quoi. Que ce soit un programme informatique, que ce soit une balade en vélo, quand je vois les gens avec tout l'attirail là de comment ça s'appelle? Le niveau de respiration, le niveau cardiaque, la vitesse du vélo, la respiration, etc. Parce qu'il faut, la personne doit s'obliger elle-même à optimiser tout ce qu'elle fait, être pardon. C'est-à-dire avoir le meilleur rendement possible de son corps à ce moment-là. Voilà. C'est ça, je pense, que ce qui est vraiment mauvais. Parce que c'est on n'est pas des machines, donc on ne peut pas être rentable, c'est pas possible. Ou alors pas longtemps. Mais par contre, c'est même si la personne qui se promène au vélo avec tout son attirail, quand même, si elle transpire, c'est utile. Ça lui fait du bien. C'est aller au-delà de. Enfin, c'est. Comment on dit? Inhibir sa sensibilité pour se forcer à quelque chose. Ça, à mon avis, c'est pas bien. Si la sensibilité et la. Enfin, encore un grand mot, la conscience, ben, en somme, c'est bien. Une dernière question. Donc, je vais laisser Didier conclure. Voilà, moi j'espère avoir été assez clair et simplement vous donner l'envie d'aller chercher un peu plus loin et de vous cultiver dans tous les sens du terme. C'est-à-dire physiquement, mentalement, affectivement, etc., etc., etc. Et de découvrir des tas de dimensions humaines. En fait, c'est. On est toujours en. Comment je peux dire ? En sous-humain. Je sais pas comment expliquer ça, mais. Enfin, c'est un truc, justement, moi. Enfin, pour revenir toujours à moi, quand je sais pas expliquer. Ouais. C'est. Déjà, quand j'étais ado, que je voyais les gens marcher dans la rue, comme un peu comme aujourd'hui, et tranquillement, j'étais tout seul à marcher. Par moment, j'avais l'impulsion de dire, mais tu vois pas que tu es un cadavre? Bouge, fais quelque chose, danse, dis bonjour, souris, mais fais quelque chose. Ce que tu veux, mais fais quelque chose. Donne-moi un coup de poing si ça t'arrange, mais fais quelque chose. Voilà, dans ce sens-là, ça c'est ce, pour moi être humain. C'est-à-dire, bouger tout le temps, être tout le temps présent, pas à 100%, c'est pas possible. Mais à tout ce qui est possible maintenant. Tout le temps. On a tous un rythme personnel. On se laisse trop conditionner par les rythmes extérieurs. Et si on a envie de chanter, on chante. Si on a envie d'engueuler quelqu'un, on l'engueule. Si on a envie de courir, on court. Il n'y a pas besoin de chercher d'efficacité ou de quoi que ce soit. C'est libre. simplement vivre. Voilà. Merci.